mardi 5 novembre, il est 17h30, c'est l'heure de l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30 pour parler art visuel. Cette semaine à l'émission, Anne-Claire Pilote, directrice de l'atelier de la mezzanine, viendra nous entretenir au sujet de leur encamp annuel qui permet de financer une partie de leurs activités qui aura lieu le 14 novembre. Jean-Tienne Lafrance vient nous voir aujourd'hui pour sa deuxième chronique. Elle nous parlera de l'exposition collective Engramme qui est présente. Engramme Dialogue, qui est présenté à Engramme. Également, on reçoit Sébastien Hudon, directeur artistique de la bande vidéo, qui vient nous présenter Test Field de l'artiste chinoise Chaimi. Raymond Poirier viendra nous faire sa revue de presse. Et bien entendu, le tout est ponctué des suggestions de Simon Roy. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, très. Je dis bonjour, là, il fait noir. Il me semble que c'est plus bonsoir, mais bon. Ouais, à ce temps-là, on n'a pas encore gagné la nouvelle habitude. Effectivement. Simon, cette semaine, on écoute Clockwork Keyboard. Oui, c'est un trio qui vient d'un peu partout. Il y a Loose Link qui nous vient de Nouvelle-Zélande, Sven Meyer de l'Allemagne, puis Noise Surfer de l'Espagne. Je vous présente l'album, mais en fait, c'est plus presque l'étiquette que je voulais présenter parce que c'est vraiment spécial. L'étiquette s'appelle 20 kilobytes per second recording. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de la compression, mais vraiment sauvage des MP3 qui diffusent. Normalement, MP3, pour avoir une bonne qualité, on va l'encoder en 320. Eux autres l'encodent en 20 kilobits par seconde. Okay. Donc, c'est vraiment ultra agressif. Ça détruit complètement l'enregistrement. À la base, l'enregistrement est de bonne qualité, puis l'encode d'une façon agressive. Donc, ça détruit totalement. Ça produit des artefacts de compression, puis ça ajoute comme une couche supplémentaire aux enregistrements. Une étiquette qui est plus active depuis le mois de juin 2012, mais ils ont quand même 338 albums. Donc, en utilisant ce procédé-là, c'est comme un choix artistique ou esthétique. C'est à ma connaissance, c'est les seuls qui font ce genre de trucs-là. Est-ce que les artistes, dans le fond, publiés par cette étiquette-là, donc savaient que ça serait comme ça? J'imagine ils ont travaillé leur pièce aussi en fonction de ça. Exactement. C'est la condition. Tout est encodé de façon vraiment agressive. Même les pochettes d'albums sont totalement pixelisées. Okay. On part d'une image à haute résolution, puis on la compresse jusqu'à temps qu'on voit. On peut même pas lire qu'est-ce qu'il y a sur les pochettes. Okay. Donc, c'était peut-être une œuvre de destruction. Ah ouais, mais c'est intéressant quand même. C'est ça, il y a toutes sortes de styles qui sont couverts. C'est vraiment le truc unificateur, c'est la compression violente. Ça donne quelque chose d'assez intéressant qu'on n'entend pas souvent. Donc, ajustez pas votre appareil, ça sonne vraiment moche, mais c'est ça le son de l'étiquette. Eh bien, j'ai hâte d'en entendre. Simon Roy, merci. Plaisir. Puis on t'écoute à Web Musique le dimanche soir à 20h. Donc tout de suite, on écoute un extrait Trumpet Mashup Mix Edit. On est de retour à l'aérospatiale et c'est l'heure de la revue de presse. D'ailleurs, j'accueillerai mon Poirier. Bonjour. Bonjour, Julie. Alors oui, revue de presse qu'on trouve d'ailleurs incidemment là, les liens et les articles sur l'aérospatiale.wordpress.com. Tiens, on commence avec le Québec, les prix du Québec. Les lauréats ont été annoncés, notamment deux personnes qui sont liées de près ou d'un peu moins près à la sphère des arts visuels, notamment Marcel Barbeau. Du côté du réseau Art Actuel, on dit « Réjouissons-nous que Marcel Barbeau soit enfin cette année le récipiendaire du prix Paul-Émile Bordua. Il était temps, selon eux, de reconnaître ce grand artiste québécois. En fait, ai-je besoin de le présenter, là? Contrairement à Riopelle, qui a longtemps résisté à son enseignement, Barbeau en a profité pleinement de ce contact, a donné libre cours à son inventivité. D'abord dans le tableau figuratif, puis non figuratif. Également, l'autre personne qui est un peu autour des arts visuels, si on peut dire, c'est Robert Morin. Peut-être un peu plus là en lien avec sa production vidéo, notamment. Alors voilà pour les prix du Québec. Sinon, au fil de mes lectures, je suis tombé sur un livre qui est publié aux éditions du Passage qui s'appelle « Entre avoir et être ». Deux collectionneurs s'exposent. Alors, on le présente d'ailleurs de manière assez claire dans le journal La Presse. Alors, on essaie de comprendre un peu à travers ces témoignages-là pourquoi on collectionne, pourquoi on s'intéresse à l'art et également de quelle manière les collections qui sont ainsi montées se façonnent. Alors, on dit en fait que les collectionneurs souvent achètent quand ils sont émus ou saisis, que l'acquisition survient après un va-et-vient entre intellect et émotion. Évidemment, chaque fois qu'il y a des coups de cœur, eh ben, il y a donc des marches qui y sont associées. On dit aussi que la collection ne ressemble pas aux collectionneurs, mais c'est plutôt que le collectionneur qui ressemblerait à sa collection. Collectionner de l'art contemporain, c'est être de son temps, dit-il, se chercher dans son temps également. Une question d'être plus qu'une question que d'avoir. Ces œuvres-là sont plus ou moins à nous. Elles sont d'abord aux artistes, on les accompagne, et en les accompagnant, on ne regarde plus l'art de la même façon. Voilà. Intéressant. Donc toujours intéressant, en fait, puis de voir aussi de quelle manière, évidemment, fonctionnent les rouages de ce milieu-là. On fait le saut du côté de l'Europe et près de 1500 tableaux volés par les nazis qui ont été découverts à Munich. C'est absolument impossible de parcourir 1500, et c'est absolument impossible en fait de parcourir des magazines, revues et autres sans tomber sur cette nouvelle. Alors je me suis dit, c'est un peu incontournable de le mentionner. C'était propriété jadis de collectionneurs juifs. Ça a été des œuvres confisquées par les nazis pour diverses raisons, que ce soit justement leurs propriétaires ou les éléments qu'ils représentent, en fait considérés comme de l'art dégénéré à l'époque. Et là-dedans, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est entre autres qu'il y a beaucoup de nouvelles œuvres qu'on avait perdues en fait en termes de répertoire. Donc, on parle de Picasso, Chagall, Renoir, Toulouse, Lautrec, Courbet, Matisse, Mack, Dix, Lieberman, etc., etc., etc. Ça ferait pâmer d'envie n'importe quel conservateur de musée. C'est pas seulement de l'art moderne non plus, il y a des aquarelles, lithographies, tableaux remontent à bien avant la période récente. Alors, ça risque également de venir un peu bonifier les catalogues d'éléments disponibles du côté artistique. Alors voilà pour cette nouvelle. Sinon, probablement l'article le plus intéressant sur lequel je suis tombé cette semaine, c'est via le journal Le Monde. Bon, on en a parlé à quelques reprises ici à l'émission dans la revue de presse de présence de Banksy du côté de New York. Et Le Monde fait un peu un bilan de cette expérience-là à travers une revue de presse. Et on se pose la question, ben dans le fond, est-ce que c'est un génie, est-ce que c'est un imposteur? Donc, qu'en est-il de Banksy? Réaction critique quand même assez partiale à New York. Évidemment, les gens s'interrogent, est-ce que il est en contradiction avec ce qu'il propose, on réfléchit sur sa démarche, on réfléchit même sur son état de street artist. Bon, en fait, des gens du milieu du graphe new-yorkais qui n'ont pas, dit-on, supporté qu'un Britannique débarque à New York. Alors, on a répondu à ces critiques-là, c'est pour ça que rapidement, il y avait des gens qui allaient taguer aussi les œuvres en disant, mais regarde, t'es pas d'ici, t'es pas du coin, t'es pas de la communauté. Donc, il y a eu cet aspect-là. On dit que certains sont peut-être un peu envieux du succès commercial de Banksy, qui est devenu plus qu'un street artist. Parallèlement, on reconnaît un génie pour son autopromotion. Par contre, certains de ses critiques ont justement profité de répliques via le graphe pour le mettre face à certaines de ses contradictions, justement, succès commercial, travail de rue, etc., etc. Évidemment, il y a tout le côté criminel aussi. On se rappelle le maire de New York qui avait dit, mais regardez, pour moi, je considère que c'est... d'un acte criminel, c'est pas de l'art. Évidemment, il y a pas eu d'action policière autour de ça. Donc il y a des gens qui disent ben oui, mais est-ce que c'est parce qu'il y a du favoritisme? Et la réponse a été ben non, c'est qu'il y a pas eu de plainte. Les gens se sentent plutôt disons gratifiés du fait que Banksy vient faire un graffiti sur la propriété. Mais surtout avec les offres d'achat là, dont on a parlé, là, on s'entend que les gens sur en tout cas. En fait, on dit la formule, c'est on a l'impression que c'est un peu comme gagner à la loto. Ouais, c'est ça. Quand il vient. Alors, il y a cet élément-là aussi qui revient. On se pose des questions sur le côté peut-être un peu superficiel que certains perçoivent dans son travail. On parle d'exploits. On réfléchit, on en discute et on remarque le fait que les New-Yorkais en ont eux-mêmes beaucoup discuté. Et c'est peut-être un peu l'élément de conclusion de cet article du Monde où on dit essentiellement que peut-être que le grand succès de Banksy à New York, ça aurait été de faire parler un peu tout le monde du simple badaud aux collectionneurs d'art, aux conservateurs de musées, des journalistes qui n'auraient jamais parlé d'art visuel, subitement, le tout New York discutait d'art et se posait la question à savoir qu'est-ce que l'art? Donc quand même, c'est quand même assez c'est sympathique. C'est quand même un débat à grande échelle en plus, si on parle de New York. Et dernier clin d'œil d'ailleurs par rapport à New York, on parle du côté de plusieurs dépêches de presse que les grandes maisons démarrent leurs enchères d'automne cette semaine et on attend des records quand même assez importants. Ce sera intéressant de voir si les attentes se seront soldées par des succès. Dossier à suivre. Dossier à suivre. Raymond Poirier, merci infiniment. Ça me fait plaisir. On t'écoute vendredi à La Vie en BD. Oui, et notamment, on va faire un petit retour sur Quai des Bulles 2013, donc un regard sur Saint-Malo. Voilà, donc c'est à ne pas manquer. Vendredi à 17h30, on fait une pause, on écoute Tic Tic Hop sur les ondes de CKRL. retour à l'aérospatiale Gilles Gagné, toujours avec vous, accompagné de Jacques Gignac à la mise en onde. Et j'accueille à l'instant Jean-Tienne Lafrance qui est allé faire un tour en Gramme. Bonjour. Bonsoir. Oui, j'arrête pas de dire bonjour, il fait noir, là, j'aimerais me résoudre. Maintenant qu'il fait noir le soir, c'est ça, on effectivement. Peut dire bonsoir. Donc oui, c'est ça, je suis allée visiter l'exposition de dialogue qui est présentée à Engram en ce moment, donc qui vient tout juste de débuter, le vernissage était vendredi passé, et puis c'est une exposition collective de 24 artistes membres de la coopérative. En fait, c'est une exposition qui fait suite à une exposition qui a eu lieu en 2012 en Écosse avec une résidence, donc une exposition qui avait été pensée pour des cimaises beaucoup plus vastes, j'imagine. Et puis là, on se retrouve avec 24 propositions dans la petite salle d'exposition qu'est Engram, comme vous le savez. Donc, c'est assez dense comme mise en exposition, mais il y a quand même des belles solutions, je pense, qui ont été trouvées pour qu'on ait une bonne appréhension des œuvres. Donc, on a ces espèces de zigzags de cimaises au centre de la galerie qui fait qu'on se retrouve dans des alcôves qui permettent d'être en contact avec seulement que deux diptyques à la fois. Je dis que c'est des diptyques parce que l'idée qui sous-tend dialogue, c'est de proposer des diptyques donc sous le thème du dialogue, mais ce thème-là va vraiment donner une diversité de propositions de la part des artistes, évidemment. Ouais, parce que c'est des diptyques d'artistes, là, donc c'est pas un dialogue d'un artiste avec un autre, mais plus comme entre deux œuvres ou avec soi-même. Exactement. Donc, un dialogue visuel, parfois narratif. Donc, on a plusieurs déclinaisons, je dirais, du rapport entre les œuvres à l'intérieur de la forme diptyque. Donc, on va avoir des jeux de rappel, d'opposition, de continuité. Parfois, ça va être des continuités narratives et ou des continuités spatiales, temporelles. Ouais. Donc, une œuvre qui va s'étendre dans l'autre. Beaucoup de répétitions, évidemment. C'est quelque chose qui est quand même assez typique de la technique de l'estampe, de pouvoir venir reproduire les mêmes motifs, d'en changer les couleurs, d'en changer la disposition. Donc, beaucoup de propositions qui proposent des répétitions et aussi de la contamination d'une œuvre à l'autre. Donc, c'est assez intéressant. Et puis c'est assez je peux pas ici parler de toutes les œuvres évidemment. Non, parce que 24 là, on ferait juste une liste puis c'est moins intéressant. Exactement. On commence par l'œuvre de la proposition de Diane Fournier qui en fait est l'image qu'on voit sur les communiqués, la diffusion donc les cartons également le communiqué de presse. Donc c'est une œuvre qui se nomme Souvenir en offrande aux trappeurs forestiers. C'est de la sérigraphie. C'est des grosses formes sur un fond blanc. Des formes qui sont comme un peu organiques, je dirais, qui sont présentées côte à côte. La plupart des œuvres, faut le dire, dans l'exposition, sont présentées haut en bas. Je sais pas comment le dire vraiment. Une au-dessus de l'autre. Oui, une au-dessus de l'autre, peut-être pas superposée, mais presque. Donc deux grosses formes centrées qui flottent un peu sur ce fond blanc là, et puis des contours noirs très épais. Donc on dirait presque que ces formes là ont été agrandies, hein, donc avec ces contours noirs là. Et une touche de couleur dans chacune de ces formes qui peuvent rappeler des formes animales ou un gris-gris qu'on peut porter, une espèce de porte-bonheur. C'est assez énigmatique, c'est un peu mi-figuratif, mi-abstrait, donc ça laisse place à l'imagination. Donc ça peut rappeler des crânes de petits animaux avec des formes de dents ou de défense qui sont intégrées. Donc c'est assez... Puis également dans le bas, il y a des citations manuscrites qui ont l'air d'être un peu des citations de ce trappeur forestier qui est évoqué dans le titre. Juste à côté aussi, en fait, un peu en face, une proposition de Cynthia Dinan Mitchell, East meets West. Donc encore de la sérigraphie, donc présentée en haut et en bas. Donc on a dans l'œuvre du haut une espèce de dragon chinois à gauche, très typique, et puis à droite un cowboy à cheval. On a des teintes de coucher de soleil, puis le dragon semble apparaître dans une espèce de nuage qui arrive du fond, une espèce de traînée qui arrive derrière. Les personnages ont l'air figés, le geste est suspendu. Donc on a, moi ça m'évoque un peu, c'est figé un peu comme les stéréotypes qui sont évoqués par cette iconographie là, donc de l'ouest du Far West sauvage et de l'est. Donc avec les dragons très typiques de l'iconographie chinoise, et puis l'œuvre jumelle qui est en bas est une œuvre toute simple. En fait, on va reprendre les mêmes teintes jaune orangé. C'est des motifs géométriques réguliers qui font un peu papier peint. Ouais, plus décoratif. Oui. En fait, il y a un contraste assez saisissant là, entre les deux. Exactement. Donc, on a une œuvre très chargée en haut et en bas. Vraiment, quelque chose de très uni, de très papier peint comme forme. Et donc, on fait un parcours, si on veut, dans la galerie, un peu en U. Hein. Donc, on contourne ces cimaises-là qui sont au centre, qui nous présentent des petites alcôves. Donc, je vais continuer, par exemple... Ton chemin. Oui, je vais continuer mon chemin. Par exemple, une œuvre de Noëlla Dionne qui a représenté deux fois une espèce de boules, de ronds au centre de l'image avec des arbres qui en poussent comme en rayon, comme des rayons de soleil. Donc ça s'appelle Vers une nouvelle terre avec des teintes de rouille, des teintes plus foncées pour l'œuvre du bas. Je regarde mes notes, là. Ben oui, y a pas de problème. De toute façon, y a tellement à dire, là. Des fois, ça en vient assez complexe de réussir à extraire quelque chose de ça, là. Exactement. Également, une proposition très intéressante de Lise Vézina avec des couleurs, pourpre, très saturé, donc qui se nomme Éphémère. C'est une eau forte, donc c'est deux figures centrées sur un fond. En haut, vous avez un papillon de nuit pourpre, donc une éphémère, c'est un papillon de nuit, hein, donc qui se détache en transparence sur un fond ou un fond plus gris dans ses teintes, où il y a plein de petites figures circulaires qui sont répétées, donc une espèce de trame dans le fond, avec de ces figures circulaires, avec des cercles concentriques, des rayons à l'intérieur. Et puis il y a les yeux du papillon aussi, ces espèces de yeux qu'on peut voir en regardant les ailes de papillon. Et dans l'œuvre du bas, c'est un cœur de fleurs qui peut faire penser peut-être à un lotus, encore une fois, avec cette teinte pourpre très foncée, donc qui constitue le fond. Et puis cette fleur ouverte, donc qui est dirigée vers nous, qui va recréer de ces motifs concentriques, de ces motifs en rayons, qui va aller donc faire un jeu de rappel formel d'une œuvre à l'autre. C'est un peu hypnotisant, de ces formes qu'on peut voir là, justement dans ces dans ses yeux hypnotisés dans les bandes dessinées, par exemple. Oui, c'est ça. Là, je le fais régulièrement. Oui, c'est ça, quand je dis des choses pour donner de l'impact. Mm-hmm. Donc, et puis, dans le fond, dans la pointe de la galerie, il y a des propositions qui sont présentées sur des socles qui ont... donc, c'est un peu une des propositions sculpturales, si on veut. Il y en a deux. Il y a une proposition de Christine Vallée et puis une œuvre également de Katharina Trub. Celle de Christine Vallée, c'est une espèce de montage qui va créer des habitacles. Elle est intitulée « Dialogue entre le Caravage, Léonard de Vinci, Michel-Ange et moi ». Donc, un gros dialogue et moi. Des espèces de masse où il y a plein de petites reproductions qu'elle a fait en lithographie, donc de soit de croquis ou d'œuvres finies de ces artistes-là. Et puis il y a des jeux de perspective lorsqu'on tourne autour de ce pliage-là, donc où il y a des répétitions en avant, en arrière, des jeux presque de miroir. Et puis l'œuvre de Katharina Trub, donc un tête-à-tête qui rappelle un peu ces jeux d'enfants qu'on joue dans la cour d'école, ce papier plié qu'on tient entre nos doigts. Mais on dirait qu'elle est tournée à l'envers. On a des teintes très vive autour de qui se décline autour du jaune. Donc on va avoir du vert, de l'oranger et une répétition de ces motifs de visage mi bande dessinée, mi expressionniste qui sont quand même assez difficiles à décortiquer. Donc quatre visages, mais le pliage de ces feuilles là fait qu'un visage à chaque fois est effacé avec un jeu de rotation. C'est chaque fois un trio de visages différents qui s'offrent à nous. Donc, c'était assez ludique de tourner autour de cette œuvre-là. Ça rappelle vraiment des souvenirs aussi. Là, on s'entend là, combien on en a fait de ces pliages-là. Oui, exactement. Donc, avec des petites questions et des petites réponses cachées derrière les plis. Donc, oui, évidemment, ça rappelle le monde de l'enfance aussi avec des couleurs très vives, très très appelantes. Et puis, tout autour, on va retrouver des œuvres de Lisette Thibault, Jessie Mélissa Bossé, Chantal Harvé, Thérèse Guy, Madeleine Sanson, Michel Renaud qui nous offre une espèce d'analogie avec le mythe d'Icare, donc la chute d'Icare dans l'œuvre du haut, un oiseau dont le bout de l'aile passe devant le soleil, et dans l'œuvre du bas un petit oisillon mort, visiblement mort, donc avec les petites pattes en l'air. Ce que je trouve intéressant dans cette œuvre là, c'est ce travail de sérigraphie qui ne va pas aller chercher un motif, mais on dirait que l'artiste jouer directement avec les pigments, avec le médium acrylique sur la soie. Donc, il y a ces mélanges, ces espèces de... un peu comme l'intérieur des vieux livres dans la page, dans la première page, dans l'intérieur des vieux livres, ces couleurs qui se mélangent, donc avec des teintes de coucher de soleil, des teintes assez pastel, et puis ce petit oiseau mort qui nous fait un peu peur. Et qui attire notre sympathie aussi. Oui, en même oui, temps, on a pitié du petit oiseau. On lui dit, t'aurais pas dû t'approcher aussi près du soleil. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est pas le même type d'oiseau du tout. Qui en haut, on a une silhouette qui fait penser peut-être plus à une mouette, alors qu'en bas, c'est un oisillon qui va faire penser à un moineau ou à une mésange. Donc, c'est comme deux oiseaux complètement différents. Aussi, une proposition de Luce Dumont. Donc, on continue notre petit U dans la galerie. Dénuement et opulence, qui est un mélange de linogravure et d'eau-forte. Donc, c'est assez intéressant. On a des motifs beaucoup plus rough, pour parler bon français, avec la linogravure, donc des aplats, et puis l'eau-forte qui va aller chercher des motifs beaucoup plus fins. Mais oui. Donc, dans l'œuvre du haut, c'est quelque chose... Dans l'estampe du haut, c'est quelque chose de beaucoup plus minimal, alors qu'en bas, c'est une composition plus chargée, mais qui va aller chercher les mêmes référents, les mêmes motifs. Donc, en haut, on a une branche, une fine branche réalisée en eau forte avec des bourgeons qui émergent et puis une plume qui s'accroche. Et puis, la branche est recouverte de petites épines toutes fines. Donc, on devine le framboisier qu'on confirme dans l'œuvre du bas où il y a trois de ces branches. Pas la même branche, une branche où les feuilles se sont ouvertes, où les fruits ont mûri, donc on voit des espèces de mûres ou de framboises, donc une répétition trois fois, et puis dans le fond, on a une répétition de la linogravure, donc quatre gravures dans quatre couleurs différentes, ouais. Alors que dans l'œuvre du haut, c'est cette même linogravure-là, donc qui va avoir un motif en aplat, évidemment, avec en blanc des éléments plus design, plus décoratifs qui se détachent avec des références végétales. Donc, c'est assez... c'est une œuvre assez intéressante, tout comme celle de Diane Thuo, tout près aussi, qui est presque japonisante, je dirais. Donc, elle se nomme Lien invisible. C'est de la sérigraphie. Donc, dans l'estampe du haut, on a une espèce de trame noire sur un fond noir et dans l'œuvre du bas, une trame blanche sur un fond blanc. Donc, on a juste un jeu de teintes, de textures qui nous permet de distinguer la forme du fond. Et puis, cette trame-là est constituée d'une espèce de gris de pois, c'est comme un motif à pois, cordé, très, très serré. Donc, on a comme un... on a cette grille à pois en bas et puis en haut on a comme le négatif de la grille comme si on avait retiré ces pois-là un peu comme des retailles d'hostie. Ouais. Et puis On a une bande rouge rectangulaire à la verticale qui va qui se prolonge le bas de la première et dans le haut de la deuxième. Exactement. Donc qui va se prolonger, c'est pas exactement la même texture que les bandes ont, mais on a ce très beau prolongement d'une œuvre à l'autre. Donc je sais pas si je l'ai dit, mais c'est presque japonisant, c'est très zen comme œuvre. On a l'impression que c'est cette bande-là en fait qui est le dialogue. Oui, exactement. Donc qui fait un pont entre les deux œuvres en même temps que ce jeu positif négatif qui se joue dans la trame et également dans les couleurs qui sont utilisées. C'est comme s'il y avait une adaptation d'un yin-yang. Exactement, oui. L'espèce de contamination du côté noir et du côté blanc. Peut-être une dernière en terminant? Oui, une dernière en terminant. Donc, je vais vous parler de la proposition de Kathleen Hall, Illusion abusive, donc qui est de l'estampe numérique. Donc, un mélange de photographie et d'estampe. C'est quand même assez difficile de qualifier qu'est-ce que l'estampe numérique. J'ai posé la question à Armel qui travaillait en galerie. C'est quelque chose qui va utiliser beaucoup les procédés de la manipulation de la photo sur ordinateur, mais en travaillant à partir des procédés de l'estampe, à partir de ce qui rappelle l'estampe physique. On a ce diptyque-là de Kathleen Hall qui s'appelle Illusion abusive 1 et 2. Donc, on a deux fois le même décor, une espèce de mur décrépit couvert de graffiti, un graffiti de tête de mort sur une fenêtre condamnée. Et puis, elle a ajouté par-dessus ce décor en noir et blanc photographique, une espèce de rangée de silhouettes humanoïdes avec des formes très stylisées. Donc, on reconnaît, on dirait presque que c'est flou, mais ça ne l'est pas. Donc, un peu comme vu de loin, donc des espèces de formes un peu comme des ombres. Et puis, dans celle du bas, on a beaucoup plus de modifications. Donc, le même décor, mais avec des couleurs qui sont ajoutées en superposition. Également, des effets de filtre Photoshop qui viennent entacher l'image. Et on a un lien, encore une fois, comme l'œuvre avec le trait rouge, on a un lien avec une espèce de gribouillis jaune qui va juste y avoir un petit trait dans l'œuvre du haut et qui va se prolonger dans l'œuvre du bas, donc qui se superpose, hein, qui vient cacher une partie de l'image. Donc c'est assez intéressant de voir l'émergence de ce type d'estampe-là, l'estampe numérique qui n'est pas encore acceptée en Europe, mais ici en Amérique on en voit de plus en plus. Donc c'est assez intéressant. Donc Dialogue, une exposition qui est présentée chez Engram du 2 novembre au 8 décembre. On a le temps, mais comme à l'habitude, on y va maintenant parce que si on attend trop, après, on oublie. Oui, tout à fait, exactement, comme toute exposition qui passe. Effectivement. Jean-Tiane, merci beaucoup. On s'en va en pause et au retour, on discute avec Anne-Claire Pilote. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 25 novembre, 20h, au Cercle. Bleu contre rouge, entrée libre. Les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. Le Cercle fête ses 6 ans le 8 novembre prochain. Dès 18h, vivez l'expérience du Cercle avec les créations de plus d'une trentaine d'artistes et collaborateurs. Sentez-vous transporté par un amalgame de projections, danses, d'installations sonores et par les spectacles de Rich au coin, à la Claire Ensemble et de plusieurs DJ. Toutes les infos et concours pour gagner un laissez-passer sur 6ans.ca. On a voulu un chat parce qu'on l'a aimé tout de suite. Parce qu'il est tout cute avec ses petites pattes. Parce qu'il vient nous coller le soir devant la télé. Parce qu'il me réveille le dimanche matin. Parce que les enfants s'en occupent plus. Parce que sa litière est encore pleine. Parce que ça me coûte tellement cher. Parce que c'est bien trop de responsabilités. Parce que j'en veux plus. Si vous êtes prêt à avoir un animal de compagnie, demandez-vous si vous êtes vraiment prêt à vous en occuper. Un message du gouvernement du Québec. Point d'exclamation fêtera bientôt ses 10 ans. Cette boutique située dans le Faubourg Saint-Jean s'était donné une mission. Encouragez et supportez les créateurs et les entreprises québécoises en offrant des bijoux, des vêtements et des objets rares aux gens du quartier et aux touristes. À l'aube de son 10e anniversaire, on peut dire mission accomplie. Précurseur dans le quartier, certains diront même de la ville, Point d'exclamation a fait la promotion de plus de 250 créateurs d'ici, en plus d'offrir la ligne de bijoux Euphorie Design, création de la propriétaire Diane Bergeron. Toujours en mouvement et à la recherche de nouveautés, la boutique Point d'exclamation propose aujourd'hui ses trouvailles, des articles de brocante, sans oublier ses superbes vitrines qui égayeront vos pupilles. Objets d'art, objets rares. Toutes les raisons sont bonnes de s'exclamer au 762 rue Saint-Jean. Abonnez-vous à leur page Facebook pour vous tenir au courant des nouveautés et des promotions. L'atelier de la mezzanine présente pour la 3e année son encan bénéfice d'œuvres d'art. Pour l'occasion, plus d'une trentaine d'œuvres d'artistes autodidactes ou professionnels seront mises aux enchères à un prix de départ dérisoire. Michel Marcoux agira à nouveau à titre de commissaire-priseur. L'encan bénéfice d'œuvres d'art le jeudi 14 novembre dès 17h au studio d'essai de la coopérative Méduse, 591 rue de Saint-Vallier-Est. Pour voir quelques-unes des œuvres qui seront mises aux enchères, consultez atelierdelamezzanine.com. Du 6 au 10 novembre se tiendra De la parole au conte, le rendez-vous de la parole contée à Québec. Des artistes de plusieurs régions du Québec, dont les îles de la Madeleine, se rejoignent dans la capitale pour vous offrir 5 jours de spectacle aux voûtes de la Maison Chevalier et au bar Le Sacrilège. Conte pour les grands, spectacle jeunesse et concours de la meilleure menterie. Programmation complète et billets en prévente sur lesamisimaginaires.ca. Voilà, on est de retour à l'aérospatial. Bien entendu, je vous ai parlé en début d'émission de l'encan bénéfice d'œuvres d'art qui est organisé au profit de l'atelier de la mezzanine. Et pour en parler, sa directrice. Bonjour Anne-Claire Pilote. Bonjour Julie. L'encan, c'est jeudi 14 novembre, oui, en 5 à 7. On en se prépare à l'avance, comme ça les gens peuvent penser à y aller, ramasser des fois des sous aussi. Là, c'est toujours bien que de l'apprendre à la dernière minute. Donc, l'atelier de la mezzanine, on s'est jamais parlé directement en studio, donc j'aimerais peut-être que vous commenciez par nous présenter un peu ce que c'est. Oui, certainement. L'atelier de la mezzanine, c'est un organisme qui a été créé en 99 par Folie Culture. En fait, l'idée de Folie Culture, c'était d'offrir à des gens qui vivent ou ont vécu des problèmes de santé mentale un endroit pour faire de la création. Mais un endroit un peu le plus professionnel possible. Puis aussi un endroit où ils pourraient un petit peu se rapprocher d'un milieu qui est pas nécessairement facile à aborder, là, le milieu de l'art actuel. Alors, c'était ça. Et beaucoup de préjugés aussi, des craintes. Hein, devant... Oui, certainement. Oui, certainement. Et puis, on a eu la chance d'avoir un local de libre à Méduse. Alors, évidemment, ça fait aussi toute une belle différence. C'est vraiment un endroit qu'on adore puis qui place les choses exactement où elles sont. Ben là, oui. C'est ça. C'est vraiment bien agréable. Alors, on est là depuis 99, donc. Vous allez fêter votre 15e anniversaire l'an prochain? Ben oui. Est-ce que vous pensez déjà à des festivités? Non, j'avoue qu'on n'en est pas là tout à fait. Okay. On est pas mal au jour le jour. Et bon. Puis, mais c'est ça. On va voir l'année prochaine ce qu'on fera. Ce sera à suivre. De ce toute façon, on recevra les informations en temps et lieu. J'aimerais savoir un peu, parce que, vous offrez comme un espace aux gens pour créer. Il y a des workshops, des ateliers. Mais c'est quoi un peu la nature? Vous faites des expositions. Ouais. Donc, c'est quoi un peu la nature des projets de l'atelier de la mezzanine? Ouais. Mais le mandat principal, c'est vraiment de donner des moyens de production. C'est pas des ateliers encadrés ou c'est pas non plus de la formation complètement, c'est vraiment un atelier libre. Mais ce qu'on voulait aussi, c'est évidemment d'offrir un endroit où il y aurait de l'échange un peu. C'est ça, de l'échange. On voulait aussi avoir des artistes professionnels pour justement apporter un petit peu de formation, compléter amener des techniques, des avoir choses des comme ça. Avoir des regards aussi, absolument, des fois. C'est un échange artistique. Je dis entre guillemets, un enseignant en art n'a pas nécessairement pour but de montrer comment faire, mais d'amener la personne aussi à se dépasser, à explorer certaines avenues. Exactement. Développer un peu son potentiel et puis aller un petit peu fouiller là où il y a envie d'aller un peu, là. Alors, donc, il y a 5 artistes professionnels qui travaillent à l'atelier. On les connaît bien, d'ailleurs. Georgia Volpé, Thierry Arcand-Bossé, José Landry Sirois, Hélène Matt, qui j'oublie? Annie Bergeron. Voilà. Et ces gens-là, dans le fond, sont là durant la semaine, puis... Oui, chacun a son jour par semaine. Alors, l'idée d'avoir plusieurs artistes, c'est aussi, évidemment, d'avoir la possibilité d'élargir un petit peu les possibilités. Et puis, de dynamiser un petit peu le lieu. Puis c'est 5 horizons vraiment différents aussi. Complètement différents, 5 personnes avec une démarche artistique forte et différente. Ces artistes-là, j'imagine qu'ils doivent apprécier ce contact-là avec les membres de l'atelier. Oui, je pense beaucoup. On est très bien, vraiment. Oui, je pense qu'ils aiment beaucoup ça, travailler à l'atelier. Je pense que même eux, ça les nourrit aussi dans leur production et tout, parce que là, c'est vraiment un échange. Et puis, peu importe si on est professionnel ou pas, il y a un échange. On sort toujours plus riche un peu de ces échanges-là. Là. D'ailleurs, vous dites, peu importe si on est professionnel ou pas, je disais sur votre site Internet, vous avez aucun critère pour accepter c'est qui veut y aller, qui a eu une problématique. Oui, c'est ça. Peut y aller. Là, oui, c'est ça. Non, faut dire que l'atelier est vraiment réservé à des gens qui vivent ou ont vécu des problèmes de santé mentale. Ceci dit, c'est vraiment un terme très large. Ben oui, c'est ça. Hein? Ça fait plus peur que la réalité. Ça fait plus peur que la réalité, absolument, parce qu'il y a des gens là-dedans qui ont des diagnostics sévères, mais avec lesquels ils savent très bien vivre. Là. Alors, ça se sent pas à l'atelier. Puis, il y a aussi des problèmes de santé mentale qui peuvent être beaucoup plus transitoires aussi, là, des dépressions majeures, des choses comme ça. Mais ils viennent à l'atelier avant tout parce qu'ils ont un intérêt artistique. C'est ça qui fait la différence pour eux. Et c'est le mandat de l'atelier. Donc, si on n'a pas cet intérêt-là, finalement, ça ne dure pas très longtemps non plus. Là. C'est ça. Mais est-ce que vous faites comme du recrutement ou c'est les gens qui viennent par eux-mêmes, qui ont entendu parler en c'est en une démarche volontaire. C'est une démarche volontaire. Les gens peuvent être référés par des médecins, des travailleurs sociaux, beaucoup, évidemment, les CLSC, les organismes communautaires, évidemment, le site Internet aussi, puis le bouche-à-oreille fait aussi beaucoup le travail, là. Et bon, là, peut-être si on va vers l'ANCAN, on a présenté l'organisme. L'ANCAN, c'est la 3e fois que vous le faites, donc c'est quand même assez nouveau. J'imagine, fort de vos réussites antérieures, vous avez décidé de renouveler l'expérience. Oui, ben en fait, l'idée de l'ANCAN, c'est que comme tout organisme, on doit aller chercher des revenus autonomes. Mais oui. C'est une condition essentielle. Alors, tant qu'à faire ça, on s'est dit, bon, ben on va le faire avec une activité qui est cohérente avec le mandat de l'atelier. Et puis, pourquoi pas en profiter pour pouvoir offrir aussi une vitrine de diffusion supplémentaire pour les gens, pour montrer le travail un petit peu qui se fait à l'atelier. Mais oui, puis c'est intéressant pour eux parce que là, leurs œuvres peuvent se retrouver dans des collections. Et là, ils entrent d'une certaine manière dans le marché aussi. J'imagine que c'est valorisant beaucoup. Oui, mais c'est valorisant, mais c'est pas non plus si simple que ça. Là, on est dans un petit milieu, Québec. Ouais. Les collectionneurs, on en parle beaucoup, mais des fois, on se demande si c'est une légende urbaine presque. Là. Ah ouais, c'est ça. Oui, il y en a. Je sais qu'il y en a, mais c'est pas bon. Je pense qu'on achète une œuvre d'art surtout par coup de cœur. Tout le monde peut acheter une œuvre d'art. C'est pas réservé aux collectionneurs non plus. Là, c'est super agréable de vivre avec une œuvre unique chez soi. Ben oui. Alors, c'est pas nécessaire d'être collectionneur pour ça. Je pense qu'il faut juste se laisser aller. Puis l'avantage de notre encan, c'est que évidemment, on fait ça pour démocratiser l'art aussi. Puis c'est fait à un prix très bas. Le prix de départ est très bas, donc on peut acquérir une œuvre sans laisser ça paye la semaine. Là. Donc c'est ça. Donc tous les budgets aussi. Là, tous parce les budgets. Que même quand une œuvre d'art, disons d'artiste professionnel établi, est abordable. Bon, on s'entend abordable selon un certain niveau. Sur les 40, il y a 40 membres à l'atelier de la mezzanine. Je pense qu'il y en a quoi, une vingtaine qui vendent des œuvres. Oui, c'est ça. Cette année, ben en fait, il y a des gens qui ont participé l'année passée, qui n'ont pas participé cette année, simplement parce que ils ont passé tout droit finalement. Là, ok, parce que c'est à eux de proposer, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment volontaire. Il y a rien qui est obligé. Alors cette année, il y a 23 membres de l'atelier qui participent. Puis on a aussi la chance, comme l'an passé, que les 5 artistes professionnels qui travaillent à l'atelier nous donnent aussi une œuvre pour l'ANCAN. Donc, ça donne quand même un bon portrait de l'organisme, là, si on veut voir ça. Là. L'exposition, j'imagine, elle doit ouvrir. Il doit y avoir comme une exposition avant la journée de l'Encan ou... Non, même pas. OK, on suscite le coup de cœur tout de suite. Absolument. Vraiment, ça se passe au studio d'essai de la coopérative Méduse. C'est pas monté comme une exposition. Évidemment, les œuvres vont être accessibles quelques minutes avant l'Encan, mais dans un décor un peu sur des chevalets, tout simple, là, il n'y a pas de... C'est pas une exposition à voir. Par contre, on peut les voir sur notre site Internet. Ah ouais? Alors, déjà, ça donne une idée. Dans la section Encan, il y a un onglet en haut qui s'appelle Encan 2013. Alors, les œuvres sont accessibles là. Il va en avoir de supplémentaires qui sont pas sur l'onglet. Celles des artistes professionnels qui sont pas là. D'ailleurs, je vais en profiter pour dire l'adresse, hein, atelierdelamezzanine.com. Oui. S'il y a des questions aussi, c'est info@atelierdelamezzanine.com. On le dit tout de suite comme ça. On l'oublie pas. Ça au passage. D'ailleurs, j'ai vu aussi dans votre communiqué que vous avez demandé à quelqu'un bien connu ici, CKRL, d'assurer d'être commissaire priseur, Michel Marcoux. Ben oui, c'est formidable. Michel Marcoux, il peut pas résister. Si vous avez un encan à faire, demandez-lui parce qu'il est fou de ça. Il va dire oui, c'est certain. Alors, c'est ce qu'il fait depuis 3 ans, puis on est bien content parce que on voulait aussi faire ça dans une ambiance un peu décontractée. Là, on veut pas se prendre la tête. Puis Michel est vraiment formidable. Ça doit être quand même assez drôle. Là, c'est un très encan drôle avec Michel Marcoux. C'est très très drôle, puis très sérieux aussi. Il fait ça tout à fait dans les règles de l'art, je pense. Là. Ah ouais, donc vous parlez de moments haut en couleur, ben j'imagine avec les œuvres. Avec Michel Marcoux également. Donc, Anne-Claire Pilote, merci beaucoup. Oui, si je peux ajouter à Julie, c'est que cette année, en plus, on a décidé d'éditer un calendrier avec 23 des œuvres. Oh. Donc, c'est un calendrier de 18 mois qui va débuter évidemment en janvier 2014. Alors, le calendrier, on peut se le procurer au coût de 20 $ le soir de l'Encan. Et autrement aussi à l'atelier de la mezzanine. Alors si aussi, moi j'invite tous les gens à venir voir l'Encan, même s'ils n'ont pas envie d'acheter, c'est pas grave. Faut pas se sentir obligé non plus. Là, c'est vraiment une soirée agréable. Ben oui, puis c'est aussi une occasion de diffusion de l'organisme pour voir les choses et tout. Et puis, c'est ça. On espère avoir beaucoup de monde la semaine prochaine. Voilà, ben on vous le souhaite et on en reparlera juste avant l'émission. Merci. Puis Julie, si je peux me permettre, je peux inviter aussi les gens demain, s'ils veulent, demain à l'atelier. Il y a une exposition d'une membre de l'atelier qui s'appelle Isabelle Cyr. Une magnifique exposition. Le vernissage est demain à 5 h à l'atelier de la mezzanine au 541 Saint-Vallier-Est, donc coopérative Méduse au 4e étage. Voilà, ben l'invitation est lancée. Merci. Atelier de la mezzanine, donc je répète l'Encan le 14 novembre en 5 à 7 au studio d'essai à Méduse. Anne-Claire Pilote, directrice de l'atelier, merci beaucoup. Merci Julie. On fait une pause audio, on écoute Punching Clock de Radio sur les ondes de CKRL. Thank you. On est de retour à l'aérospatiale. On vient d'entendre un extrait de la pièce Punch a Clock de Radio. En fait, c'est tiré de l'album Clock Soup for Cooked Airports de Clockwork de Keyboard, une suggestion de Simon Roy qui nous parlait justement que c'était publié sur, j'ai oublié le nom d'étiquette, donc qui fait de la compression de pièces à 20 kilobytes par seconde. Et ça fait donc des pièces qui sont probablement très, très méconnaissables de ce qu'elles étaient au début. En cette fin d'émission, je vous invite à quelques événements en art visuel, bien entendu. Donc, ce jeudi, c'est l'ouverture de la résidence de Bruno Caldas-Viana à la Chambre Blanche. Bruno Caldas-Viana qui nous présente son projet Light Traps Four Times. C'est jusqu'au 15 décembre, mais le 27, j'ai toujours une bonne occasion de rencontrer l'artiste. Également, vendredi à 17h, c'est le vernissage de l'exposition de Jean-Robert Drouillard, Le cœur au point comme un faucon aveugle. Avec un titre comme ça, ça me donne le goût d'y aller. Donc, c'est vendredi à 17h, dimanche 10 novembre à 14h dans le hall d'entrée du Claridge. C'est l'encant de la clarté Dieu, donc plus de 75 œuvres qui sont mises aux enchères, dont des œuvres de Jordi Bonnet, justement Jean-Robert Drouillard, Chan Trong Truong et j'en passe, donc plusieurs œuvres comme ça à cet encant. Malheureusement, Sébastien Hudon devait être avec nous aujourd'hui. Ça n'a pas été possible, mais peut-être au passage, je peux parler quand même de l'exposition qui est présentée à la bande vidéo. C'est une exposition de l'artiste chinoise Chai Mi qui s'appelle Test Field. C'est intéressant parce que, la bande vidéo, on le sait, il présente des œuvres vidéo, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment une exposition dans laquelle il y a du dessin, il y a de la vidéo, donc plusieurs choses. D'ailleurs, je dois saluer le travail de mise en espace. Ça n'a pas dû être évident de présenter les œuvres au mur alors qu'on a une projection au point de vue de l'éclairage et tout ça. Chai Mi, à quoi elle s'intéresse? Elle s'intéresse, en Chine, vous savez, il y a une urbanisation très, très, très rapide. Et ça, c'est pas sans conséquence, pas juste sur l'environnement ou sur les populations, mais également sur la faune. Et notamment, c'est que ce que Chai Mi observe, c'est qu'il y a plusieurs sortes d'oiseaux donc qui ont disparu et on se retrouve avec pratiquement juste des moineaux et des corbeaux. Donc, dans l'exposition, ce qu'elle fait, c'est une sorte de vidéos psychédéliques où on voit le parcours d'un moineau et d'un corbeau justement dans ces contrées urbanisées, à tout le moins ce que j'ai interprété comme les contrées urbanisées, dans un style qui est intéressant puisque ces oiseaux sont présentés avec une facture très très réaliste et le reste est plutôt des formes de couleurs géométriques, une animation très simple, des petits mouvements, parfois un peu saccadés, une vidéo qui est drôle, une vidéo qui semble aussi d'un côté assez symbolique, d'un autre côté, comme je le disais, très psychédélique. Et le tout est, comme je le disais tout à l'heure, ponctué des œuvres qui sont présentées au mur, qui reprennent en fait les images qu'on voit dans la vidéo et même dans l'entrée, donc des petits socles avec des petits dessins découpés. Est-ce que, je suis pas certaine, je voulais demander à Sébastien Hudon, mais est-ce qu'elle a utilisé ça pour faire son animation? Mais dans tous les cas, donc c'est ces petites parties d'oiseaux, de cubes de couleurs, etc., sont épinglées comme des insectes finalement dont on a l'impression de voir une trace, de voir un relent, de voir la déclinaison, par exemple, d'une espèce. Donc, une exposition que j'ai vraiment trouvée très, très belle. En fait, j'ai été impressionnée par le travail assez incroyable de dessin parce que Chai Mi, elle dessine, c'est vraiment monastique. Donc, une belle exposition, superbe dessin, un dynamisme, des beaux contrastes également. Donc, Chai Mi Testfield à la bande vidéo jusqu'au 1er décembre. On refait une petite pause audio avant la fin de l'émission. On écoute la pièce Grave Keyboard from Other Clock. c'est déjà la fin de l'aérospatiale. Mon nom est Julie Gagné. Ça a été un plaisir d'être avec vous et de vous parler de l'univers des arts visuels. D'ailleurs, vous pouvez écouter l'émission en balado-diffusion, lire les communiqués de presse, télécharger les pièces de Simon Roy ou lire la revue de presse de Raymond Poirier sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Je remercie mes invités, collaborateurs, Jacques Gignac à la mise en onde. Et sur ça, ben, je m'en vais à la maison écouter Folk d'Amérique de Jules Chaumel et je vous invite à faire de même.